Bonjour, merci à Teresa et aux organisateurs. Vous m'entendez? Non. Donc, en fait, dans le résumé, j'avais des ambitions un peu plus larges. Donc, ma communication reste un peu large, mais j'ai un peu réduit donc mes objets. Je vais surtout parler d'une œuvre de Angela Ferreira et du film 25 que Rose vient de présenter aussi. Donc, depuis les années 70, les mouvements du cinéma se libérant de la salle a été nommé de différentes manières. Donc, expandit cinéma, troisième cinéma, migration des images, cinéma d'exposition, cinéma exposé. Dans cette communication, j'évoquerai la présence d'images d'archives mozambicaines dans l'œuvre de certains artistes contemporains, notamment à partir du travail d'Angela Ferreira, donc qui est une artiste née à Maputo en 58 et vivant actuellement à Lisbonne. Donc je vais parler surtout de l'installation pour Mozambique de 2008. Et donc j'avais à l'esprit l'idée de parler aussi des œuvres des Raquel Schaeffer qui est là et de Catalina Simon de son projet, mais donc j'ai décidé de me concentrer sur les travaux d'Angela et puis aussi sur 25. Donc j'essaierai d'articuler la notion des passages d'image à partir de ces travaux-là. Je m'inspire évidemment de l'exposition Passage de l'image du Centre Pompidou en 90, qui était consacré à rendre visibles les passages entre photographie, cinéma, vidéo et ce qu'on appelait nouvelles images. Je cite les textes de la préface du catalogue de l'exposition. Passage des natures diverses, ambiguës, souvent malaisées à situer et à nommer. Mais ils n'en ressortent pas moins, pour le plus évident, à une double tension qui se module de façon variable d'œuvre en œuvre. D'un côté, entre l'immobilité et le mouvement, de l'autre, entre la représentation analogique et ce que la suspend, la détruit, la corrompt. Même si c'était là, dans cet étagement, cet enlacement des passages, que l'image aujourd'hui trouve son lieu, sa plus entière et nouvelle qualité d'énigme, dans une infinité suspendue des mouvements et des temps, toujours très singuliers, mais s'inscrivant pourtant dans une vue d'ensemble où ils prennent place. Donc, dans un premier temps de cette communication, la notion des passages d'image n'indiquerait que la transposition d'un média, en l'occurrence les cinémas, à un autre, l'œuvre d'art contemporain. Dans un deuxième temps, les passages d'images pourront être compris dans un sens plus large, à la lumière de l'expérience des cinéastes et d'artistes passeurs et preneurs d'images, franchissant les limites des notions d'auteur, de paternité, de propriété, tout en restant dans les domaines cinématographiques. Chris Marker incarne évidemment les doubles rôles des passeurs et des preneurs d'images à plusieurs occasions, mais il est loin d'être les seuls. Notamment dans les années 60-70, que ce soit en Europe, en Amérique latine, en Afrique, des bouts des pellicules passaient des tables de montage à tables de montage ou à des VHS, l'essentiel étant non seulement d'avoir la bonne image, mais de la mettre en rapport avec d'autres bonnes images, tant qu'elles servaient à la bonne cause, comme l'ont fait plusieurs cinéastes à cette époque. Je vais me concentrer sur 25, donc un film réalisé par les Brésiliens du théâtre Oficina, qui était en exil, José Celso Martínez Correa et Celso Lucas, pour après, dans un troisième temps, essayer d'articuler cette notion des passages d'images dans leur travail avec l'effort de donner une image au passage à la transition. La notion des passages est propre au mouvement qui définit l'art cinématographique. La projection n'étant techniquement qu'un passage, le défilement de la pellicule devant les projecteurs. Plus récemment, donc cette expression caractérise les mouvements du cinéma vers l'extérieur de la salle. Et donc dans ces parcours, des images en mouvement, des sources, formats et registres les plus divers s'intègrent à des installations. Donc dans les cas d'installations vidéo utilisant des images d'archives, les passages est double, traversé d'époque et des médias. Donc je vous montre donc les images pour Mozambique. Donc l'installation vidéo double écran réalisée par Angela Ferreira en 2008. Donc constituée des trois types d'images, trois types d'archives soi-disant cinématographiques. Images du cinéma documentaire enregistrées par la télévision, images de cinéma documentaire, images enregistrées par la télévision et images d'un projet d'une série de films. Donc cette structure sculpturale en bois inclinée à 23 degrés contient deux écrans opposés dos à dos. Donc d'un côté on voit les films Macquayel, de Jean Rouch et Jacques Dartuis, de 77, projeté en boucle. Et de l'autre côté, on voit Bob Dylan dans l'enregistrement d'un concert où il chante une chanson en commémoration à l'indépendance du Mozambique. Donc par terre, se trouve un ensemble des cadres organisés en zigzag où figurent donc les pages agrandies du projet de la série des cinq films que Godard prétendait tourner au Mozambique, dont Ross aussi a parlé tout à l'heure, donc publié par les Cahiers du cinéma en 79. Naissance de l'image d'une nation. Donc, les montages d'images d'archives agencées par Ferreira a lieu dans cette structure en bois, inspirée des avant-gardes soviétiques. L'axe d'inclinaison, qui est l'axe d'inclinaison de la Terre, reprend celui du célèbre projet des tours des Tatlines, les monuments à la Troisième Internationale, jamais réalisés à échelle réelle. Et la disposition des écrans et des cadres fait référence à l'œuvre de Clusis. Ainsi, il y a une relation d'homologie entre l'euphorie post-révolution russe et l'euphorie post-indépendance mozambicaine, entre deux mouvements artistiques ayant en commun notamment l'esprit d'avant-garde et l'engagement politique. Les montages proposés par Ferreira attribuent un nouveau sens aux images d'archives et leur donnent visibilité, comme les font par ailleurs donc, d'autres artistes qui investissent ces archives-là. Donc, il me semble que la reprise des images liées aux luttes d'indépendance au Mozambique et au passage à l'indépendance ne constitue pas un geste inédit propre donc, à l'art contemporain, mais s'inscrit plutôt dans une pratique déjà présente dans la manière où cette indépendance cherchait une visibilité cinématographique depuis les années 70, dans l'immédiat avant et après indépendance. Donc ainsi, si donc pour Mozambique, Ferreira reprend Macquayel des Rouch et Dartuis, déjà Macquayel en 77 reprenait un chant danse traditionnel racontant les quotidiens des mineurs en Afrique du Sud et transformé en hymne socialiste. À leur tour, les images des Macquayel, donc que Rose nous a montré tout à l'heure, avait donc des images très proches des Makwael, apparaissaient déjà dans les Kushakanem, dans les actualités filmées mozambicaines du post-indépendance. Donc, dans les films 25, les emprunts sont nombreux. Donc, réalisés par José Celso et Celso Lucas. Les films ont connu différentes versions, dont la durée varie entre 90 minutes et un peu plus de 3 heures. Donc, les deux réalisateurs étaient au Portugal en exil après la fermeture de leur théâtre pendant la dictature militaire brésilienne. Sans expérience cinématographique préalable, ils tournent à Lisbonne au Parto, l'accouchement, en 1975, composé en grande partie d'images issues des archives de la télévision portugaise. Et donc, dans ces films, l'accouchement, un montage parallèle combine des images de la révolution des œillets à celles d'un accouchement à l'hôpital. Donc, 25 est produit par l'Institut national du cinéma du Mozambique, dont la création était le premier acte culturel du président Samora Machel. Donc, 25 constitue donc la deuxième incursion cinématographique de ces duos des dramaturges brésiliens. Ils auront d'autres expériences après, mais pas beaucoup. Donc, avec Celso Son et Celso Lucas à la caméra, les duos ont filmé les moments historiques du passage du Mozambique colonial au Mozambique indépendant. Je vous montre une des séquences du film. C'est la séquence du premier lever du jour dans un pays libre. Portugueses. Je m'excuse pour la mauvaise qualité de la copie. En fait, c'est une copie que j'ai obtenue auprès du théâtre Officina à São Paulo, donc il reste en activité. Et donc, c'est une copie DVD qui a été faite à partir d'une VHS enregistrée de la télévision lors de la diffusion française du film. Voilà, donc c'est la copie. Enfin, après, il y a donc des copies 16 mm qui sont dans un mauvais état. Et Lina, à Paris, je pense, a une copie aussi de ce film. Donc, les films donc, combinent les images tournées par Zé Celso Lucas à des images provenant de multiples sources, dont celles... des actualités filmées, des archives de la télévision portugaise et des films de fiction. Même si la notion des propriétés, des paternités des images ne semble pas être une préoccupation primordiale dans les films, donc les origines ne sont pas explicitées, j'ai quand même essayé de chercher l'origine de ces images. Donc, parmi les emprunts les plus repérables se trouve Shaimit, une sorte d'épique mélodramatique réalisée par Jorge do Canto en 1953 et dédiée à l'armée portugaise, dont la collaboration était fondamentale pour la réalisation du film, selon les génériques. Donc, Shaimit était une reconstitution des événements menant à la bataille des Shaimit en 1895, où les Portugais Mozinho de Albuquerque, dit les pacificateurs, réussit à capturer les derniers empereurs du territoire de l'actuel Mozambique, Gungunhana. Shaimit présente cette victoire portugaise comme la fin des luttes pour l'indépendance. Et dans 25, les mêmes images fonctionnent comme une preuve que les Mozambicains ne se sont jamais pliés au colonialisme. Je voulais vous montrer une image, une image des Shaimit, mais je n'ai pas réussi. Donc, je vais vous montrer juste les images des Shaimit qui sont présentes dans 25. Éramos propriedade de um punhado de exploradores, de um punhado de colonialistas. Éramos carros para transportar os senhores. Nós éramos Mercedes-Benz. É ou não é? Quem é que não foi que transporta aqui? Quem? Durante 400 anos, o povo moçambicano resistiu ao colonialismo. Mozinho de Albuquerque, le pacificateur. Qu'au XXe siècle, avec le financement des compagnies coloniales, que la résistance fut battue. Gungunhana, dernier chef de la résistance, fut vaincu par le héros à cheval, Mozinho de Albuquerque, le pacificateur. Thank you. au début de l'extrait, donc il y avait, enfin j'ai gardé, c'était pas les images des Chaimites, il y avait donc une peinture, il y avait des photographies, c'était ainsi pour vous montrer l'hétérogénéité des sources du film. Et donc cette dernière séquence est des Chaimites, alors c'est chant contre chant entre Mosinger Boukerque et Gung Gungun, donc était déjà présente dans les films originaux. Donc il y a toute une série d'interférences au montage, mais il y a aussi une reprise du montage existant. Donc un autre emprunt reconnaissable et identifiable chez 25 est la chanson de l'Angolain Rui Mingus, Monangambé, devenue un hymne anticolonial. Les paroles des Monangambé, terme qui veut dire embauché, désignant les travailleurs qui labouraient dans les plantations des Blancs, sont issus du poème d'Antônio Jacinto de 61, donc qui donne, enfin, donc et Monangambé est aussi les titres du premier film de Sarah Maldoror et aussi, enfin, une des phrases de la chanson Deixe-me ao menos subir as palmeiras donne les titres au film de Joaquim Lopes Barbosa tourné au Mozambique en 72. Donc Deixe-me ao menos subir as palmeiras dans les mots de Lopes Barbosa lui-même avait l'objectif de fournir des pistes pour conduire l'esclave à la révolte. Les films, je les cite, les films disent qu'il faut lutter pour obtenir la libération, que sans révolte, il n'y a pas de liberté. Donc, je vous montre donc, l'extrait des 25 où la chanson de Rui Mingus est reprise. Et juste avant, j'ai conservé une chanson aussi reprise par le film, qui est une chanson du roi de la pop musique brésilienne Roberto Carlos, qui s'appelle La Montagne. Et donc, dans l'ironie des 25, la chanson qui dit Merci Seigneur, évidemment au Seigneur Dieu, est donc détournée pour. Rapaz, tens muito jeito de transportar. Obrigado, porque o patrão disse que nós podíamos transportar. Cette deuxième partie donc est la reprise de la chanson Monangambé de Deixe-me subir as palmeiras. Ainsi, si lorsque 25 reprend Chaimite, la tonalité héroïque du combat portugais au Mozambique est détournée. La reprise de cette constellation de références cinématographiques à travers la chanson des Rui Mingas inscrit les films dans un mouvement anticolonial international. Explicite cette inscription plutôt. En effet, l'expérience mozambicaine des Excelsos e Celso Lucas les place dans une communauté internationale de cinéastes et d'artistes engagés dans la lutte anticoloniale et ensuite dans la construction d'un nouveau cinéma pour un nouveau pays. D'une part, les images de la lutte des libérations, pour lesquelles ont contribué des équipes et des matériels venus de Cuba, de l'Union soviétique, de la Suède et du Canada, ont joué un rôle décisif. Selon Fernando Arenas, dans l'indépendance mozambicaine comme dans celle de l'Angola, les cinémas, je les cite, les cinémas jouaient un rôle majeur puisqu'ils donnaient une représentation aux luttes de libération et ils galvanisaient les soutiens aux mouvements politiques triomphants qui arrivaient au pouvoir après l'indépendance pour construire les nations postcoloniales, même si les guerres civiles catastrophiques qui s'ensuivirent dans les deux pays se révélèrent presque fatales pour la survie du cinéma. Dans les textes qu'écrivent ensemble Zeus et Celso Lucas, ils disent qu'avec les luttes, les Mozambicains ont appris à filmer, et je les cite, à partir du rapport avec des journalistes étrangers, ils ont fini par bien documenter la guerre. Cette documentation a d'ailleurs été décisive pour que les Mozambiques prouvent à l'ONU qu'il y avait des zones déjà libérées, ce qui était nié par les Portugais. Fin des citations. D'autre part, des cinéastes célèbres furent invités par l'Institut national du cinéma mozambicain après l'indépendance, dont Rui Guerra, Jean Rouche, Godard, pour contribuer au processus de création d'un nouveau cinéma. Donc si Celso et Celso Lucas pourraient, à première vue, se ranger dans ces deux ensembles, donc les cinéastes qui étaient là pour documenter la guerre, le passage à l'indépendance, et les cinéastes qui étaient là pour construire un nouveau cinéma, leur position reste à part entre les deux. En réalité, répondant à une demande de l'INC, ils élaborent un projet de cinéma populaire dont les piliers étaient les 16 mm, la création d'un circuit de projection mobile et l'acceptation des limitations techniques. Ils estimaient, Zeus et Celso Lucas, que le cinéma mozambicain ne devait pas aspirer à la perfection technique ni chercher à atteindre les mêmes niveaux de qualité du cinéma commercial. Selon eux, il fallait faire avec les moyens techniques existants, l'appareillage que les salles de cinéma et les ciné-clubs avaient déjà, les caméras de la période de la lutte et la main-d'œuvre locale. J'ai les cites. Il y avait du matériel dans tous les pays qui pouvait être utilisé, les appareils pouvaient être réparés, ils étaient à l'abandon. Il y avait un moyen d'engager les peuples dans ce travail. Car les Mozambicains étaient amoureux de la découverte de la technologie. Ils avaient découvert à travailler avec des mitraillettes à travers lesquelles ils ont connu l'Occident. C'est fini les extraits. Si tu veux. C'est dur, fou. 5 minutes, j'ai une page. Donc, les deux membres du théâtre Officina alimentaient un regard critique quant au risque d'un embourgeoisement du cinéma mozambicain, au risque donc que ce cinéma naissant soit contrôlé par une élite qui émergeait. Quoi qu'il en soit, les gestes du passage d'images dans leur cas doivent être compris à la lumière du désir d'être au plus près de l'événement, de la transition, de la fin d'un régime et du début d'un autre. En exil au Portugal, Zeus et Celso Lucas sentent que l'indépendance mozambicaine s'approche et pour cette raison décident d'y aller. Les 25 a été montré à Cannes à la télévision française, mais avant, ce film a eu une première au cinéma Scala de Maputo en février 77. Les réalisateurs décrivent dans un livre qu'ils ont publié à leur retour au Brésil ils décrivent la soirée de la première, qu'ils comprennent comme une espèce de sabotage. La projection en 16 mm dans la salle, donc les projecteurs n'étaient pas adaptés, ils ont adapté les projecteurs avec un aspirateur pour les refroidir, donc les projecteurs l'ampoule du projecteur a explosé pendant la projection a été interrompue, donc ça... L'histoire d'invisibilité de ce film commence donc avec sa première projection. Donc cette expérience mozambicaine des Celso e Celso Lucas a laissé un goût amer. Leur objectif principal n'a jamais été atteint. Ces duos, en fait, s'est trouvé au milieu d'un jeu de forces entre différents groupes politiques, et leur projet de cinéma populaire a fini par ne pas être adopté, enfin, que partiellement, en fait. Ainsi, si la forme sculpturale de l'installation pour Mozambique faisait référence à des projets artistiques n'ayant jamais dépassé le stade de la maquette et à d'autres ayant une visibilité très limitée, 25 et un soir, une œuvre pratiquement invisible, composée des morceaux d'autres œuvres invisibles. Les multiples passages d'images agencés par Zeselso et Celso Lucas rappellent sans doute la circulation des idées travaillées de près par l'historien Benedict Anderson, notamment en ce qui concerne l'indépendance philippine. À cette occasion, au passage du 19e au 20e siècle, Anderson note une confluence des forces et des personnalités, lui faisant y voir une première mondialisation rendue possible sans doute par les développements techniques des différents réseaux de communication. Les trois protagonistes du livre d'Anderson, Les Bannières de la Révolte, sont les romanciers José Rizal, l'anthropologue Isabelo de los Reis et les militants Mariano Ponce. Tous les trois témoignent d'une intense circulation d'idées, des pratiques et des formes artistiques et d'une intense collaboration internationale, allant jusqu'à contaminer l'intrigue et les caractères de certains personnages de Rizal. Pour finir, donc, je dirais qu'il me semble que 25 et pour Mozambique ont en commun la recherche d'une visibilité du moment de la transition, de la rupture, cristallisée dans les premiers cas dans l'aube du Mozambique indépendant et dans les seconds dans la structure de la tour inclinée avant sa chute. Ainsi, les passages d'images et d'idées opérés par ces deux travaux deviennent liés au projet de produire des images du passage.